je veux parler des divorces et des couples séparés. Et oui, je m'inspire de la famille Dufour-Lapointe. Tout le monde dit les parents. Mais les parents étaient là tous les deux, là. L'histoire des Dufour-Lapointe, c'est un père qui a continué à travailler, puis c'est une mère qui a arrêté de travailler, là. Oh boy, elle a ça déjà. C'est ça? Tu veux tout nous renvoyer à la maison? Non. Ça n'a rien à voir. Je veux juste souligner que c'est une famille unie, qui reste ensemble. Puis ça a donné ça. Merveilleux, là. Tout le monde s'émeut que c'est beau. Et là, je veux qu'on aborde, parce que jamais on parle de divorce au Québec. C'est quand la dernière fois, Catherine, sérieux, là, tu fais de la radio depuis longtemps, que t'as vu un animateur poser des questions sur le divorce. Pas dans le sens pour ou contre, mais on avait le droit de vous séparer, mais les impacts du divorce. Écoutez-moi bien. Mais aller loin, là, mais checkez bien, j'ai des chiffres, puis on va jaser quelqu'un. Moi, j'ai des questions. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts? Quand on parle de décrochage scolaire, c'est quand que t'as entendu quelqu'un divorce? Couple séparé? L'enfant, entre les deux, s'entendent pas, l'école c'est important, l'autre c'est pas important, ou encore, tu sais, c'est... Quand quelqu'un a évoqué le divorce pour expliquer qu'on a tant de décrochants scolaires au Québec? Suicide? Lié au divorce. Lié, peine d'amour. C'est drôle, oui. Hein? Je l'ai testé un peu dans mon entourage. Tu sais, tu demandes, hey, les gars, où t'as-tu parlé? Des gars qui se suicident ou qui filent pas, c'est quoi la raison numéro un? Ils vont tout te répondre la même affaire. Peine d'amour. Les parents, à tout bout de champ, on dit que c'est donc important, les parents, dans la réussite scolaire des enfants. Ben, jamais on mentionne les divorces. Jamais. Parce que c'est tabou. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je l'ai trouvé. J'ai fait des recherches hier. On a enfoncé le clou comme faux, mais bon. Là, vous allez dire, peut-être. Certains vont dire, pas ben, ton affaire, Butch, décrochage scolaire, suicide, persévérance, les jeunes, et puis... Plein de... C'est peut-être relié au fait que... j'ai oublié de vous le dire, j'aurais dû commencer avec ça, excusez-moi. On est les champions mondiaux de divorce au Québec. 50%. Mais mon prochain invité va préciser, c'est encore pire que ça. Parce 50, c'est comme le taux de divorce de tous les couples. Les couples qui se marient plus récemment, c'est bien pire que ça. Il va tout vous les donner tantôt. Mais on dit souvent que c'est un couple sur deux, grosso modo, qui est divorcé au Québec. Dans certaines des autres provinces canadiennes, c'est 30, 35. Pas 50. Nous sommes au Québec les champions de la séparation. Et l'autre point que je tiens à ajouter, là, jusque-là, vous allez dire, ouais, pas bête ton affaire. C'est vrai qu'on pourrait en parler. Il n'y a rien de mal à évoquer les impacts du divorce. Sentez-vous pas mal, vous êtes divorcé, là. On peut être conscient des impacts. Il y a une raison pour qu'on n'en parle jamais, ou presque. J'ai googlé hier, études sur les impacts des divorces. J'ai pas trouvé grand-chose. En tout cas, qui demande le divorce? Selon toi, Catherine, est-ce que c'est 50-50? Ben, je pense que oui. Toi, tu penses que... Ouais, moi aussi, j'aurais pensé ça. Dans mon entourage, quand je fais le tour, c'est pas mal 50-50. Eh bien, c'est... Non. C'est 60-40? Non. 70-30? Pas tout à fait. Là, encore là, les chiffres, je vais laisser mon invité parler, mais ça dépend. J'ai été en France, j'ai été un peu partout, j'ai fait mes propres recherches, mais on frôle le 80% de femmes. C'est les femmes qui demandent les divorces. Donc, puisque la femme demande le divorce, il est donc tabou d'aborder, selon moi, en société, les impacts négatifs du divorce. C'est la madame qui l'a demandé. On ferme notre gueule. Quand ben même que ça aurait certains impacts négatifs, c'est même pas un débat de société, c'est la madame. Je pense que c'est à cause de ça qu'on n'en parle pas. Bref, moi j'en parle. Avec un tirer des roches, je m'en fous. C'est, y a pas de mauvais choix. Divorcer, c'est pas mauvais en soi. Fait que non, je ne juge pas. On peut-tu être assez brillant pour se questionner sur l'impact? Vous savez que le décrochage scolaire, je dis souvent que c'est 30% dans les familles dans l'Est de Montréal, et chez les Juifs, c'est 0%. Là, on se dit, pourquoi? Ah, les Juifs, plus cultivés, plus intéressés par la littérature, par les devoirs. Oui, mais y a-tu des divorces chez les Juifs? Allez donc voir. C'est quoi le taux de divorce des Juifs? C'est pas mal moins élevé. Il y a un papa et un maman. Mais ils ont aussi fait de l'éducation une valeur primordiale, par exemple. Aussi, il y a une question. Tu peux très bien divorcer, puis c'est pas tout noir et tout blanc. On va le répéter pour la dernière fois, puis là, on va en parler. Mais la question est bonne. Je l'ai pas demandé à Justine puis à Maxime. Évidemment, ça aurait été pas correct. Mais moi, je me la pose. Si les sœurs Dufour-Lapointe, les parents étaient divorcés, si les parents d'Alex Bilodeau, s'ils étaient tous divorcés, est-ce que les enfants auraient aussi bien réussi dans le sport? Ou c'est parce qu'il y était deux qui ont réussi à faire ça? Yvon Dallaire. Ça va rejoindre tout de suite Yvon Dallaire, vous le connaissez. Conférencier, auteur, psychologue, et notamment, qui s'intéresse beaucoup, il n'y en a pas énormément, mais lui s'intéresse aux relations de couple, à la vie conjugale. Yvon, bon matin. Oui, bonjour à vous deux. On va donner d'abord les chiffres, parce que je sais que tu les as, puis moi j'ai fait quelques petites recherches, mais c'est honnêtement, là, c'est pas grand-chose. Concernant les stats de divorce au Québec, je sais qu'on bat des records. Qu'en est-il des chiffres exacts que tu as? Ben, les chiffres tournent, comme tu l'as si bien dit, autour d'un couple sur deux qui se sont mariés, qui sont maintenant divorcés. Là. Les chiffres pour les couples de 1970, on a sur une période de 40 ans, parce que les chiffres dont je vous parle, c'est sur une période de 40 ans. Oui. Les couples mariés en 1970, aujourd'hui, il y en a pas loin de 50% qui sont divorcés. OK. 111, même chose. Maintenant, depuis 1990, on constate que les divorces arrivent de plus en plus tôt. Dans les années 70 et un petit peu avant, l'année charnière était la septième année. Ouais, on l'entendait souvent. Mmh. Ça, c'était même devenu un mythe un peu. Il faut passer le cap du 7 ans. C'est plus ça, Yvon? Et tout le monde en parle encore aujourd'hui, là. Le fameux passage de 17 ans, de 7 ans où ça passe, où ça casse. Et effectivement, 50% des divorces qui avaient lieu avant la septième année de mariage. Maintenant, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, l'année charnière n'est plus la septième année, c'est la quatrième année. Oh, depuis la moyenne. 1990. Parce que depuis 90, la moyenne est plus de 50%, là. C'est-à-dire que la moyenne, les couples, parce qu'on a juste des chiffres sur une vingtaine d'années, on ne les a pas sur 40 ans. Alors, les prospectives, c'est que si la tendance se maintient, c'est deux couples sur trois qui, sur une période de 40 ans, après 1990, vont se divorcer. Et il y a une différence marquée, donc c'est élevé. Et j'ai raison aussi de dire, Yvon, moi, j'ai vu rapidement avec Stats Canada, c'est ce que j'ai consulté hier, que le Québec est le champion, là. Oui, on est le Québec le champion mondial pour le plus faible taux de mariage, le plus haut taux d'union libre avec la Suède et la Norvège, et on a un taux de divorce très élevé, oui, au-dessus de la moyenne des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Bon, je sais que ni toi ni moi, on remet en question le fait que les gens ont le droit de divorcer. Là, regarde, on ne retournera pas 100 ans en arrière. Oui. C'est la liberté, puis ça, regarde, c'est il y a plusieurs raisons à ce fait. C'est qu'il ne faut pas oublier non plus que depuis 100 ans, on a gagné 30 ans d'espérance de vie. Donc, faire rimer amour et toujours devient de plus en plus difficile. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler des impacts du divorce? On peut-tu, sans aucunement remettre en question ce choix, cette liberté-là? Yvon, y a-tu des impacts d'une famille divorcée? Évidemment, c'est du cas par cas. Vous allez avoir des familles unies. Je le sais, là, le papa et la maman peuvent être encore ensemble. Puis c'est le bordel total. Puis un couple séparé où ça se passe super bien. Je sais ça. Mais en général, est-ce qu'il peut y avoir des impacts négatifs dus au divorce? C'est sûr que la façon dont le divorce se fait entre les deux protagonistes va influencer fortement sur les conséquences positives ou négatives du divorce. Parce qu'il y a aussi des conséquences positives. Il y a certains enfants qui ont plus de stimulation si les deux parents se sont bien divorcés, s'ils ont réussi leur divorce et qu'ils ne sont pas en guerre. C'est dans les couples dysfonctionnels où les deux parents sont en guerre et dans les divorces où justement là, on va être en guerre et parfois on se dispute par avocat interposé, que là, les conséquences négatives risquent le plus que d'arriver. Qui demande le divorce au Québec? En France, j'ai vu le chiffre de 80%, 75 et 80%. J'ai pas trouvé de chiffre précis sur au Québec. Qui demande le divorce? Selon les différentes études auxquelles moi j'ai eu accès, c'est de 65 à 80% des divorces qui sont initiés par les femmes. Pourquoi? Sauf que là, faut faire attention, là. C'est pas parce que c'est la femme qui initie le divorce qu'elle est la responsable, la coupable du divorce. Et il faut être deux pour se disputer. Hein? Oui, je suis d'accord. Mais okay. Pourquoi? Pourquoi c'est plus les femmes qui demandent le divorce? Parce qu'en général, les femmes vont plus facilement, rapidement prendre des décisions que les hommes qui sont portés à endurer, à se contenter de situations qui sont moins agréables. Les femmes de ce côté-là, et c'est pas moi qui le dis, c'est Evelyne Sullereau, la féministe sociologue française, qui disait que la principale raison pour laquelle les femmes demandaient le divorce, c'était le désenchantement. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas obtenu ce qu'elles espéraient de leur couple, de leur mariage, et à ce moment-là, ben, elles s'imaginent qu'elles sont tombées sur le mauvais numéro et elles initient le divorce. Mais justement, c'est que monsieur, une fois qu'il a acquis sa partenaire, très souvent se comporte comme si elle était acquise une fois pour toutes et va moins s'investir dans le couple. C'est ce que les femmes reprochent aux hommes, de ne pas suffisamment s'engager dans le couple. Et à ce moment-là, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'engager davantage dans son travail, avec ses amis. Donc, quelque part, entre guillemets, il pousse sa femme à demander le divorce. Est-ce que le fait que la femme, dans plusieurs divorces, pas tous, mais dans plusieurs divorces, la femme peut s'enrichir d'un divorce et l'homme s'appauvrir? Oui, est-ce ça, ça peut démontré, ça. Bon, alors, est-ce que ça peut être un facteur qui fait en sorte que la femme va plus demander le divorce? Même si ça peut être la faute de l'homme, tu l'as bien dit, si ça marche pas, là, et on peut être... C'est l'avenir d'un couple, là, le succès d'un couple, ça repose sur les deux, je suis d'accord. Mais le fait que la femme va s'enrichir avec le divorce et l'homme s'appauvrir, ouais, ça a un lien? Les études actuarielles l'ont démontré. Mais est-ce que des femmes font ça surtout pour la dimension financière? Là, c'est leur prêter une intention que sur laquelle moi, je n'ai pas de recherche là, qui pourrait le démontrer. OK, mais ça demeure... OK, de là à dire c'est ça la raison, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, on va demeurer prudent, mais c'est un fait qu'ils peuvent plus s'enrichir avec le divorce que les hommes. Oui. OK, les conséquences maintenant, Yvon. Qu'importe de qui c'est la faute, tout ça, faut faire attention, mais j'ai vu une étude, moi, qui démontre que on a le taux de suicide au Québec est également record chez les hommes ou pas loin de ça. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Il y a une étude qui démontrait que plus le taux de divorce augmente au Québec, il pouvait y avoir une corrélation avec l'augmentation du taux de suicide. Est-ce que tu crois à ça chez les hommes? C'est pas une question de croyance, c'est une démonstration qui a été faite. Oh. La peine d'amour, comme tu l'as souligné en introduction, la peine d'amour est la principale cause des suicides des hommes. Aujourd'hui, il y a pas loin de trois hommes qui vont se suicider, et deux de ces suicides-là sont associés à une peine d'amour. Deux sur trois. Aujourd'hui, il y en a trois qui vont se suicider, puis deux, ça va être peine d'amour. Oui. Et malheureusement, dans certains cas, comme on l'a vu récemment, il y a des hommes qui vont entraîner leurs enfants, leurs femmes dans ce désespoir-là. Pourquoi on parle? Est-ce que j'ai raison de dire, je sais qu'on en parle, puis je sais que toi, justement, là, je parle à quelqu'un qui en discute dans ses conférences, tout ça, mais j'ai l'impression que quand on parle de suicide, on parle jamais de divorce, ou presque pas. Pourquoi, hein? Effectivement, là, on n'associe pas ça, mais moi, je l'ai fait dans un de mes livres, et oui. Je continue à le faire dans certains de mes articles, parce qu'effectivement, il y a un lien, là, corrélé, qu'on dit. C'est pas nécessairement le divorce qui est la cause du suicide, il y a d'autres facteurs qui en tiennent compte. Oui. Mais c'est ce qu'on appelle une corrélation. Comme le divorce, je reviens un petit peu en arrière, le divorce est corrélé avec l'indépendance financière des femmes. Est-ce qu'il peut y avoir un impact aussi sur la réussite scolaire ou autre des enfants? Tout le Québec est en émoi devant la famille du Four-Lapointe. Mm-hmm. Mais puis là, c'est donc ben le fun, le père, la maman, ce que le papa puis la maman a fait. Bon, il aurait très bien pu le faire dans une situation de super belle entente et de famille divorcée. Là, je le sais aussi. Mais est-ce qu'il peut y avoir un lien? Je donnais l'exemple de la communauté juive ou d'autres où il semble y avoir moins de divorces puis les enfants réussissent mieux à l'école. Est-ce qu'il peut y avoir un impact là aussi? Les enfants ont besoin de stabilité et de sécurité pour pouvoir bien se développer à tous les points de vue physique, social, psychologique, émotif. C'est évident qu'un couple heureux augmente les probabilités de faire des enfants heureux et des enfants qui réussissent bien et à l'école et dans la société. Et on sait d'ailleurs que les enfants de parents divorcés augmentent aussi leur taux de divorce, leur probabilité de divorce. Ah ouais, OK. Ouais. Si on veut les parents se séparer, ben plus il y a de chances qu'ils vont se séparer eux autres aussi. Exact. Donc, ça veut dire que l'un n'empêche pas l'autre, mais mettons qu'on prend une situation où il y a un divorce, comme tu l'as bien dit, puis ça tourne mal parce que le gars a plus une scène, ou il chicane sur l'argent ou sur la garde, ça arrive malheureusement trop souvent, ça va être plus difficile à l'enfant de s'épanouir dans un contexte comme ça. C'est sûr. Et l'homme qui voit, ben, très souvent, les hommes qui vont se suicider, les hommes qui vont faire des familicides, là, qui tuent la famille au complet, ce sont des hommes qui sont ce que moi j'appelle des altruistes malsains, très souvent. C'est-à-dire qu'ils ont davantage consacré leur vie à quelqu'un d'autre. C'est leur femme, c'est leurs enfants qui est le centre de leur vie. Et quand la femme décide de partir, souvent avec la maison, avec la pension alimentaire et des enfants, il y a des hommes qui deviennent totalement désespérés. Marquez qu'il y a aussi une autre catégorie d'hommes qui vont aussi faire des familicides. C'est ce qu'un homme que j'appelle, au contraire, l'égocentré, là, vraiment égoïste, manipulateur, pervers, là, qui croit que vous n'avez pas le droit d'exister si vous n'êtes pas avec moi, là. Je comprends. Merci beaucoup. Continue d'en parler. On va inviter les gens à te suivre, Yvon. Au moins, je voulais juste soulever un peu le débat ce matin puis qu'on prenne le temps de réfléchir à ça. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Ce sont des faits. Yvon Dallaire, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir, Sylvain. Bonne à bientôt. Journée. Psychologue et auteur, Yvon Dallaire, vous l'entendez, vous le lisez un peu partout. C'est ce, regarde, 670-9330. Voulez-vous me parler? On peut-tu en jaser? On n'arrête pas de jaser de suicide, de décrochage scolaire, puis de trucs comme ça, de gens qui sont ruinés ou qui poussent, ou qui font des choses violentes. Est-ce que le divorce n'est pas un trait commun à tout ça? On est le champion de ça au Québec. Depuis 1990, là, les mariages au Québec, ça va être 67% de divorces. Est-ce qu'on compte là-dedans les unions libres ou vraiment les gens qui se sont mariés? Non, je pense que c'est juste les gens qui se marient. OK. Parce que c'est là qu'on a qu'on a les papiers officiels dans le fond, là, tu sais, que c'est comptabilisé. Ouais. J'imagine. Alors, il y a une relation directe entre augmentation des divorces et augmentation du suicide. Tu sais, on est à la fois champion des suicides et des divorces au Québec et aussi champion du décrochage scolaire et aussi champion du Ritalin et aussi champion. Tu as un lien là-dedans? Est-ce qu'à la base, la famille unie, papa et maman, ne serait pas, n'aurait pas avantage à être plus valorisée au Québec. Mais là, c'est sûr qu'on va avoir les féministes qui vont nous dire, c'est ça, en valorisant la famille, vous voulez forcer la fille, la femme à rester. Non! Moi, j'aimerais ça. Il y a des campagnes sur tout au Québec. C'est quand la dernière fois que tu as vu une campagne pour valoriser la famille? Papa, maman, enfant. C'est quand la dernière fois que tu as vu ça? Non. Nos grands combats sont pas là. Hein. Je pourrais nommer bien d'autres combats. Pourrais-tu juste valoriser ça, donner des outils, essayer? En bout de ligne, c'est votre liberté. Mais c'est quasiment 80% des femmes qui demandent le divorce. Donc, juste ouvrir un débat comme je fais à matin, c'est tabou, c'est péché. Mais maudite mère! Puis une des raisons, moi, ils vont le mentionner comme hypothèse, mais moi, j'y crois. Le fait que la femme s'enrichit avec le divorce et l'homme s'appauvrit, moi, je pense que c'est une des causes. Cette grande injustice financière-là. Je connais plein des gars ruinés par des divorces. Et des filles qui se trouvent un mari, vous savez que le nouveau conjoint ne compte pas dans le calcul de la pension alimentaire. Les gens qui sont là-dedans, ils savent, là. Mais mettons, moi, ma blonde, là, je gagne un salaire X. Ma blonde s'en va. Et là, selon mon salaire, je donne une pension. Mais elle se marie avec un gars hyper riche. En union libre, pardon. Son nouveau conjoint compte pas. Elle reste dans une maison de millionnaire, il a donné un char, elle travaille pas. Moi, je paye full pension pareil. Les tribunaux ne tiennent pas compte du salaire du nouveau conjoint de la madame. Alors, fait que là, toi, tu penses que pour une motivation financière, les femmes vont demander le divorce? Je pense que le fait que les femmes s'enrichissent, avec le divorce explique pourquoi à 80%, c'est elles qui le demandent. Pas toutes, là. Puis quand le couple va mal, c'est à faute des deux. Mais le fait que c'est la femme qui demande plus le divorce, il y a peut-être des raisons. Et les impacts de ça, peut-on en jaser? On commence avec Catherine. 670-9330. Salut, Catherine. Bon matin. Je vous écoute. Alors, voilà, j'ai vraiment été interpellée par votre sujet ce matin, étant moi-même une enfant du divorce. Alors, on recule dans les années 90, où est-ce que mes parents, qui m'avaient tout de même préservé au niveau de mon innocence, m'avaient toujours démontré être une famille aimante. Vous savez, à cette époque-là encore, la culture québécoise était fortement teintée d'Église catholique, où est-ce qu'on se mariait pour la vie. Alors, définitivement, à l'âge de 12 ans, lorsqu'ils m'ont appris leur divorce, ça a été vraiment pour moi un point tournant de ma vie. Alors, je trouvais ça intéressant que vous fassiez le lien avec tout l'aspect du décrochage scolaire. À cette époque-là, à 12 ans, on est en quête de sens. Et vraiment, pour moi, ça a été un point, encore aujourd'hui, que j'identifie vraiment marquant. Puisque vous savez, les fêtes aujourd'hui avec mes enfants, on se promène entre deux familles. Mm. On en parle, alors, mais ça demeure encore aujourd'hui vraiment un heurte dans ma vie. C'est tellement mal vu de valoriser. Avez-vous raison, Catherine, je vous écoute parler. Puis, tu sais, quand on regarde la TV, les médias, la société québécoise en général, ils vont souvent défendre, c'est pas mauvais de défendre ça, mais la mère monoparentale. Ah, la mère monoparentale, Oui, il faut la défendre une fois qu'elle est rendue monoparentale. Mais on peut-tu, mauditement, s'arranger pour que la mère soit pas monoparentale? On peut-tu valoriser l'union, la famille, le mariage? Chaque fois qu'on parle de mariage au Québec, mauditement, c'est le mariage gay. C'est juste ça. Le mot mariage, allez faire un tour sur Google, tapez mariage Québec, c'est mariage gay. On peut-tu parler de famille? On peut-tu parler... Papa, maman, les avantages de rester ensemble, valoriser ça. Mais on peut bien, aux États-Unis, ça l'est. Aux États-Unis, on rit bien d'eux autres dans la pub, dans leur culture populaire. La famille est quelque chose de primordial. Dans la communauté juive aussi. Mais oui, parce que c'est en lien avec la religion, notamment au Canada anglais puis aux États-Unis. Bon, ouais, mais quand on peut bien valoriser le mariage ici au Québec, mais il y a bien des gars qui veulent pas se marier. Ben, pour quelle raison? Financière. Moi, je veux me marier. C'est mon comptable qui veut pas. Je ne sais pas si c'est autant financière, Sylvain, que les jeunes d'aujourd'hui, on est beaucoup plus désillusionnés par rapport à l'aspect peut-être religieux du mariage, à l'aspect d'engagement. On est tellement une société individualiste, on n'a plus le goût nécessairement de s'engager. Peut-être. Hey, merci, pourtant, Catherine. Les lignes sont pleines. Je veux donner la chance à d'autres de s'exprimer. Merci beaucoup. Suzanne, d'abord. On y va. Suzanne, bon matin. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, je t'écoute. Bon, alors c'est ça, moi j'écoutais un peu ce matin ce que tu disais, j'ai fait après 15 ans de vie commune avec ma fille, tout ça, je regardais il y a peut-être 2 ans pour une séparation, je me suis dit bon, je vais en parler avec ma fille, tout ça, je vais lui expliquer ce qui se passe, puis quand j'ai vu la réaction de ma fille, totalement déstabilisée à l'école, les notes qui baissent et tout ça, ben j'ai été obligée de rebrousser chemin. Hein, vous avez vu l'impact suite? Je l'ai vue, elle dormait pas, elle pensait c'est une mère promenée, elle pleurait, elle était moissade et tout ça. Là, vous vous êtes donné une autre chance, là. Ben là, j'ai été obligée de me poser des questions, elle me dit, bon, ben moi, ma vie, où est rendue là, je suis rendue une adulte, je suis avancée dans ma vie, tout ça, bon, puis elle, elle commence sa vie. Alors, est-ce que je donne une chance à ma fille d'évoluer avec de la stabilité dans sa vie, ou je pense à moi? Oh, j'avais plus le choix. Et là, vous avez, parce que le feu s'était éteint un peu avec votre conjoint, j'imagine, là, si on en est rendu. Bon, là, vous avez décidé de travailler, peut-être à mettre une autre petite bûche dans le foyer. Est-ce que ça a marché? Oui, mon cher. Bon, j'aime ça entendre ça, moi. Au lieu d'abandonner, parce qu'au Québec, on est champion. On abandonne, suite, en moins go, puis go. Ça, vous avez fait des efforts. Relation fast-food. Alors, j'ai décidé d'aller voir, à place de chercher des techniques pour aider ma fille à vivre un divorce, j'ai décidé de chercher des techniques pour poursuivre mon couple et puis pour pouvoir pousser ma fille le plus loin possible dans ses études. Au lieu d'aller voir un psy pour dire « guérissez donc ma fille » parce que là, les impacts du divorce sont tout mêlés, vous avez d'abord décidé de vous guérir dans votre couple, entre guillemets, de vous donner une chance. Et voilà. Pour les enfants. J'adore fait ça. Que, quand j'ai expliqué ça à tous mes amis ne comprenaient pas, ils avaient la bouche ouverte, ils disaient « puis comment ça va finalement, est-ce qu'il va partir, tout ça ». Puis quand j'ai dit « non, finalement, j'ai pris la décision de travailler sur moi, ce qui me pose un problème à moi ». Parce que ma fille, en fait, elle n'a pas de problème, là. Et que j'aime ça. Suzanne, merci beaucoup. Merci. C'est, merci. Je ferai une pub, Becker. Moi, non, mais vous savez que si le gouvernement encourage les familles, puis fait une pub là-dessus, tu sais que ça passera pas, Catherine. Les féministes vont dire « non ». Pas correct. C'est une forme pour revenir à la famille ancestrale où l'homme dominait pis tout. Aucun rapport. Regarde, c'est juste des filles qui m'appellent depuis tantôt. C'est juste des femmes. On peut-tu valoriser l'union un peu? Puis donner peut-être des moyens puis des outils puis mettre fin à l'injustice des divorces puis travailler là-dessus? Ah non, après ça, on se demande, comme des innocents, comment ça se fait qu'on est champion des suicides? Comment ça se fait qu'on est champion du décrochage scolaire? Comment ça se fait qu'on est champion du Ritalin? Les jeunes savent... on va jouer avec Paul. 670-9330. Soyez patients, les lignes débordent. Paul, bon matin. Oui, bonjour, Butch. Je t'écoute. Bon, ben écoute, je trouve ton sujet tellement pertinent parce que la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Oui. Alors, quand on valorise pas la famille, c'est sûr qu'il y a des conséquences. Les conséquences négatives qui sortent d'une famille mal organisée ou qui partent sur des mauvaises bases, mais ça affecte toute une société. Alors, ton sujet est très, très pertinent. Moi, je voudrais faire un témoignage. J'ai 38 ans, ça fait 19 ans que je suis marié avec ma femme. Oui. Et on a 3 enfants. Et une fois, on a reçu les amis de nos enfants qui sont arrivés à la maison. On les a reçus, ils jouent avec nos enfants et puis ils sont partis. Ma fille a 7 ans, vient me voir. Il dit, papa, comment ça, on n'est pas une famille normale? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par famille normale? Il dit, mais mes amis ont toutes 2 chambres. Ils ont 2 garde-robes. Ils vont chez leur père, ils vont chez leur mère. Nous, tu es toujours avec maman, et puis on a seulement une chambre. On n'est pas une famille normale. C'est bon, c'est rendu. Alors, ma fille, c'est un témoignage ans. Qu'on a aussi par courriel, la même chose. Ah ouais. Là, j'écoute ça, je dis, à 7 ans, elle trouve que nous autres, donc les familles normales, là, c'est rendu les familles divorcées. Ouais, alors, c'est rendu à l'école qu'ils vont demander aux enfants, là, bon, comptez-nous ce que vos pères et vos mères ont comme job. Bon, premier enfant, alors parle-moi de ton père numéro 1 et ton père numéro 2.